enfance et formation. Un de ces hommes, qui ne font pas parler d'eux, mais qui sont la force d'une cité, participent à sa vie et lui donnent son véritable caractère. Mariano Filippi a un fils, Alessandro, ou, suivant les abréviations familières, Sandro. Tout en surveillant sa formation, il le laisse se développer, suivre son naturel. C'est un fort bon spécimen paternel, quoique modeste savetier ou tanneur. Sur quoi nous fondons-nous pour faire cet éloge? Mais simplement sur les indications qu'en donne Vasari, qui sont très simples, très précises et très parlantes. Mariano éleva Sandro avec soin et lui fit apprendre tout ce qu'on enseigne de coutume aux enfants avant d'aviser au choix d'une profession. Nous verrons que Sandro, plus tard, reconnaîtra cette sollicitude. Toutefois, l'enfant est un tourmenté, un imaginatif sans cesse en éveil et à qui il ne suffit pas d'apprendre à lire, écrire et compter. Vasari met un peu la charrue avant les bœufs et il nous dit que l'enfant s'était consacré au dessin avant de relater que son père le place chez un orfèvre, apprentissage par lequel passent alors la plupart des peintres, Verrocchio, Ghirlandajo, etc. parce qu'il ne voyait pas de meilleure application de l'inquiétude et corollaire des aptitudes de ce garçon peu commun. Tout cela est très facile à déduire et à faire vivre dans le milieu que nous avons étudié. L'orfèvre Botticello est en relation avec son compère le cordonnier. Nous résisterons à l'amusement d'évoquer les conversations de la boutique. La vie est très franche et très cordiale dans cette partie laborieuse de la population florentine. Cela a relativement peu changé, et les orfèvres demeuraient en continuelle relation avec leurs anciens apprentis, les peintres, et leurs camarades, et leurs maîtres, étant des maîtres eux-mêmes. Cette bonne humeur affectueuse laissera sa trace dans l'esprit du jeune apprenti, à côté de son exaltation et de son émotivité native. L'adroit étudiant se prend vite de passion pour ce qu'il sent être son naturel langage. Nous trouvons une fois de plus Mariano à la hauteur de cette situation. Il amène Sandro chez un maître des plus célèbres, et juste le maître qu'il fallait. Fra Filippo Lippi, qui a dépassé la quarantaine, adorable évocateur de grâces féminines et enfantines, opulent coloriste, capable de s'élever jusqu'à la grandeur et trouvant dans son tempérament amoureux une source abondante de ferveur. Le ravisseur de la belle religieuse Lucrezia Butti donna à Sandro, le prenant en affection, d'excellentes leçons de peinture. Quant aux autres leçons, il régnait entre le maître et le disciple trop de différence de tempérament pour que la faculté conceptrice chez celui-ci s'en ressentît. Il est visible que Lippi est de ceux qui, en matière de passion, dévorent, tandis que Sandro est de ceux qui s'adonnent aux inquiètes délices d'être dévorés. Tout de suite, Botticelli se pose grand artiste et échappe à toute influence. Nous le trouvons lui-même dès la première œuvre, c'est-à-dire en possession de cette élégance, de cette précision qui, par un don exceptionnel, paradoxal pour ainsi dire, se concilie avec l'élan et l'ardeur, alors que souvent chez d'autres, elle les dessèche ou les réfrigère. Même s'il est forcé de se plier à l'unisson pour ses travaux de début de certains de ses aînés, il s'en différenciera et toutefois s'en heurte. C'est déjà une épreuve de rare habileté. Il se mesure avec Ghirlandajo, qui a 5 ans de plus que lui, et avec Antonio Pollajuolo, qui en a 15. Les Pollajuoli ont été chargés de décorer la Mercatanzia de représentations allégoriques des vertus. Malgré l'écart des âges, on se demande comment certains critiques ont pu conclure, de la comparaison des œuvres, que ces artistes remarquables par d'autres points aient, en aucune façon, contribué à la formation d'une autre. Antonio Pollajuolo est un peintre dur, violent, à froid, exagéré, sans énergie véritable. Décorateur, ses cartons de tapisserie de Notre-Dame des Fleurs dénotent un savoir prodigieux mais sec et ne dégagent que de l'ennui. Sculpteur admirable, son monument d'Innocent VIII à Saint-Pierre de Rome le prouve. Il semble que la lutte avec la matière alors le calme et le force à équilibrer ses lignes, qui, dans ses compositions peintes, sont inharmoniques ou qui, tranquillisées, deviennent inexpressives. Il suffit de comparer aux offices ces monotones et fades vertus avec celles que Botticelli a obtenues de figurer, lui, peintre de 26 ans à peine. Il doit se conformer à l'esprit général, à la pose, à la place où doit s'inscrire le personnage assis dans le cadre ornemental. Mais comme déjà il a su donner avant tout à cette fortezza, c'est-à-dire le courage, la vaillance, fortitudo, et non point la force contre sens habituel, le caractère d'attention, de mise en défense, de résolution, qu'il n'altère point sa délicatesse féminine. Une simple et si juste inclinaison de tête suffit. Puis, quel goût exquis dans la richesse de l'armure, et comme le compère Botticello a là un élève qui lui fait honneur. Les beaux plis de l'harmonieuse draperie, auxquels la minutieuse exécution au rebours de l'ordinaire laisse toute leur ampleur, suggèrent l'idée d'une limpide cascade. Enfin, on peut s'arrêter longuement aux pieds et aux mains, à ces mains qui, dans toutes les œuvres à venir, seront d'une éloquence et d'une séduction suprêmes. Mains élégantes, affinées, mouvementées, au contournement qui parle, jamais par caprice arbitraire, mais pour révéler les fluctuations les plus insaisissables de l'esprit. On peut dire que Botticelli, plus que tout autre, a attaché la même importance et le même prix aux mains dans l'art pictural que les orientaux ont fait dans ceux de la religion et de la danse. À ce début d'intelligence dans la délicatesse succède un début d'intelligence dans la gravité, dans l'élévation. Pour s'équilibrer avec le Saint Jérôme, peint à fresque cette fois, commandé à Domenico Ghirlandajo pour la famille Vespucci dans l'église d'Ogni Santi, il peint dans le même mode un saint Augustin en méditation. Comment ne discernerait-on pas, dès le premier coup d'œil, un peintre apte à traduire toutes les ferveurs quand il sait exprimer un sentiment religieux à ce degré, sans exagération, sans mimique forcée, rien que par la direction obstinée, interrogatrice impérieusement, plutôt que suppliante, d'un esprit à peine émancipé du doute. Et ici encore, les mains sont merveilleusement expressives. Celle qui maniait anxieusement le parchemin et l'écritoire qu'elle ne peut se décider à lâcher, et celle qui s'est portée à la poitrine, en angoisse d'élan retenu. L'ambiance du religieux et de l'homme d'étude n'est pas imaginée de façon moins saisissante. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la documentation, et qui est surtout un effet des curiosités intellectuelles de l'enfant qui apprenait si aisément et s'inquiétait de tout ce qu'il rencontrait ou observait, constitue pour nous un trait intellectuel que nous ne saurions négliger. Ce que le bon Vazzari a négligé de nous dire, et ce que toute la vie et l'œuvre répondent à notre curiosité avide, c'est que Sandro était né de ceux qui comprennent, devinent et évoquent. Ils sont aussi de ceux qui aiment jusqu'à la souffrance et qui, ainsi, répondent à nos propres agitations intérieures. Ainsi le verrons-nous tour à tour, historien et poète, mystique et païen, et partout voyant, donc toujours créateur. Nous pouvons ne pas trop regretter que Vazzari ne nous ait pas donné le portrait intellectuel et passionnel de Sandro. Son œuvre nous permettra et de le retracer sans erreur et de le ressentir sans dilettantisme. Hypothèse. A-t-on jamais remarqué qu'une prodigieuse lacune s'étend entre les premières œuvres connues de Sandro, purement religieuses, à part la Fortezza, et celles où une splendeur païenne s'épanouit? Les dates parlent, écoutons-les d'abord. La Fortezza est environ de 1470. Il semble qu'il ait peint tout de suite après la Fortezza cette figure de l'automne, d'un goût charmant et bizarre, une des plus précieuses raretés du musée Condé, à laquelle les historiens de Botticelli n'ont peut-être pas prêté toute l'attention qu'il faudrait. Déjà audacieuse et encore retenue, elle offre les maigreurs exquises de la jeunesse des talents. Et pourtant elle annonce fièrement, complètement, le paganisme des grands chefs-d'œuvre que seront la Primavera et la naissance de Vénus. L'amoncellement de fruits dans la corbeille qu'elle porte sur sa fine tête, nuancée d'une espièglerie un peu sévère, la complication des rubans, des plis, des bouffants, des enroulements de son costume, tout cela est d'un goût décoratif exubérant qui contraste, et pourtant s'harmonise, avec une exécution d'un tel soin qu'elle confine presque à la sécheresse. Les deux enfants grimaçants et replets qu'elle traîne avec elle, l'un tout endormi par le vin, l'autre épouvanté d'une couleuvre sortie des grappes, donnent une note de gaieté forcée qui s'accorde mal avec le caractère plutôt demi-divinisé de la nymphe. Détail curieux, cet enfant au serpent et à la grappe se retrouvera épisodiquement à la chapelle Sixtine. Enfin, c'est une conception qui enchante tout en irritant un peu, l'on ne sait pourquoi l'un ou pourquoi l'autre. Quoi qu'il en soit, entre elle et ses sœurs encore à naître et qui l'éclipseront dans leur rayonnement, vient l'intervalle inexplicable où une tourmente paraît avoir ravagé tout l'Olympe du jeune peintre pour ne laisser survivre que son paradis. Inexplicable ? Non, quand on admet que la version de la tourmente n'est pas une simple hypothèse. L'adoration des mages dont nous parlerons date de 1478. Botticelli a donc 26 ans, puis 34 de la Fortezza à l'adoration des mages. Dans l'intervalle s'échelonnent les belles madones de jeunesse que nous n'étudions que plus loin. Au cours de ces années, on mentionnera encore trois peintures d'un caractère différent, quoique se rattachant au domaine religieux, les deux petits tableaux évocations bibliques de l'histoire de Judith et Holoferne, qu'on admet être de 1473, puis vers la même époque, un grand Saint-Sébastien, musée de Berlin, d'un art merveilleusement accompli dans l'étude, ou plutôt dans la science du nu, puis, sans autre transition, toujours quant à la nature des sujets, une œuvre capitale d'ailleurs, Pallas et le Centaure, mais qui est encore plutôt allégorique que celles qui sont entreprises pour ne chanter que la gloire des dieux. Or, une lumière nous frappe soudain. Mais c'est la lumière des bûchers où nous verrons Sandro jeté, affolé par Savonarole, tous ses nus, toutes ses visions de l'Olympe et de l'Ida. Nous ne savons donc pour ainsi dire rien dans la double vie de son esprit et de sa passion esthétique, partagée, comme chez tous les grands poètes, dès l'aurore de la Renaissance, entre le mysticisme et le paganisme, également inspirateur de tout ce qui, dans son domaine païen, dut précéder la naissance de Vénus et les danses des nymphes dans la forêt printanière. Son historien lui-même, Vasari, ne peut nous être d'aucun secours, car il écrivait bien des années après que tant de beaux nus, gloire de la ligne, chants d'amour de la forme radieuse, en cent strophes et scènes diverses, avaient été réduits en cendres, ne laissant pas même un vague souvenir. La Pallas demeure donc comme un témoin auguste et conservé radieux d'un sacrifice irréparable. Il y a encore, il est vrai, l'allégorie de la National Gallery, où Julien de Médicis et la Bellia Simonetta sont représentés en Mars et en Vénus. Mais celle-ci ne peut nous servir que de peu de choses, étant assez légèrement, mais trop complètement, drapée. Rappelons-nous encore que ce n'était pas seulement Vénus et les Grâces qui apparaissaient dans toute leur beauté sacrée, évoquée par les maîtres, mais encore les Saintes et la Vierge elle-même. Un document précieux, révélateur, charmeur entre tous, a échappé aux ravages du temps et à l'hypocrisie des hommes, fausse pudeur mille fois pire que l'impudeur, pour guider notre admiration et nous ouvrir tout un monde de recherche, d'analyse et de joie, trop négligé de ceux qui ne sont qu'historiens. Je parle de la Vierge dans une annonciation infiniment délicieuse de Lorenzo di Credi et de la réplique à peu près identique de la même figure mais sans aucun voile, dans la même attitude. S'il n'avait pas pour voisin le mystère virginal, ce nu ne serait pas autre chose qu'une des plus chastes images de la Vénus du pur amour, l'Aphrodite Urania. Éclairé par cet exemple et certains rapprochements avec les nus du Saint-Sébastien, du Mars et du Centaure, c'est donc un horizon nouveau et infiniment varié qui s'ouvre aux recherches des artistes qui auront le loisir et la passion de s'y livrer. Nous n'avons pu que l'indiquer, mais c'est ainsi que nous pourrons suivre chez Botticelli les étapes vers la perfection de la forme, que nous déchiffrerons peu à peu les énigmatiques attractions de sa souplesse, que nous pouvons en un mot expliquer une partie de l'inexplicable. Caractère des premières œuvres. La légende de Judith a joué un rôle assez important dans le symbolisme politique des luttes florentines. Le groupe admirable, et encore de nos jours si peu compris, de Donatello, devint de par le jugement des citoyens un exemple pour le salut public. Les deux petits tableaux de Botticelli, la découverte du cadavre d'Holoferne et le retour de Judith, ne furent sans doute pas exécutés dans un but simplement pittoresque, car pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre, avec surtout les allusions que nous y devinons sans les bien déchiffrer. Les généraux qui entrent dans la tente du grand chef babylonien sont certes de superbes érutes brutes, magnifiquement vêtues et l'ensemble de cette petite scène est d'une vivacité de couleurs assez éblouissante pour répondre à ceux qui en ont refusé le don à Botticelli, peut-être par la faute de leurs propres yeux. Mais la rentrée de Judith à Béthulie retient davantage notre attention à cause de l'expression dramatique, de l'étude féminine et enfin de la mise en scène. Nous trouvons déjà dans cette œuvre encore de jeunesse cette étonnante disposition à teinter de mélancolie les victoires comme les exaltations, comme aussi les voluptés. Judith est victorieuse, et elle est triste. Sans ajouter trop d'intention littéraire à la conception de Botticelli, il nous est permis d'en dégager les sentiments qui sont la conséquence de toute œuvre bien conçue. Ce ne sont pas la férocité pour la patrie, l'orgueil du meurtrier, stratagème réussi, qui anime seule l'héroïne. Qui sait s'il ne se mêle pas de regrets, non point de l'acte accompli, mais du beau soldat fasciné qui s'est laissé surprendre. Ainsi s'explique l'expression pensive de la Béthulienne, sentiment trop intense, trop secret, trop complexe aussi pour être compris de la suivante, bonne uniquement pour porter la tête coupée et les bouteilles vidées. Autre détail qui prouve combien l'artiste était déjà ingénieux et pénétrant. D'une main, Judith tient le cimetière et Bréché, le barbare, avait la tête dure, et de l'autre, le rameau d'olivier, opposition dont on ne peut contester l'intention poétique. Enfin, le fond est des plus curieux à étudier. Ces chevauchées, cette bataille sur un pont à la porte d'une ville, étaient certes des illustrations actuelles qui devaient être regardées avec un intérêt passionné par les Florentins. Une intéressante expérience à faire, nous verrons qu'elle peut être pratiquée encore sur d'autres tableaux, serait de soumettre ces minuscules épisodes, peints avec tant de légèreté et de précision, à un maximum de grandissement. On y découvrirait sans aucun doute toute une page d'histoire. On peut encore remarquer la fort curieuse recherche de couleurs orientales dans l'attifement de l'héroïne, entre autres cette sorte de pantalon flottant serré au cou de pied. Tout cela rendu si vivant par la recherche de la souplesse dans la démarche, cette ondoyante démarche qui, dans son parfait accord entre le mouvement et la forme, suppose la profonde étude du nu féminin. Son acheminement n'est pas moins captivant que la conquête définitive, complète, de sa personnalité. Deux ouvrages d'une grande perfection de métier, d'une séduction caressante, nous en sont un exemple. Ils sont de la catégorie des premières madones, exécutées entre 1470 et 1480. Tous deux sont de tendres et charmants aveux des admirations et influences juvéniles, et tous deux, cependant, laissent entrevoir l'originalité proche de son éclosion. Charme de plus que cette transition de l'état d'un maître qui est encore un disciple à celui d'un élève qui est déjà un maître. Toutefois, dans l'un des tableaux, il a gardé ses attaches avec celui qui l'a enseigné. Dans l'autre, il a choisi de professer sa tendresse envers celui qui, longtemps avant, sans doute, était descendu dans son cœur. Le premier est comme un congé affectueux qu'il prendrait de son maître, Lippi, quant à l'exécution et à la couleur, et certains même, devant cette gravité un peu compassée des attitudes, hésiteraient à y reconnaître Botticelli quant à la conception. Et pourtant il signe, pourrait-on dire, cette œuvre noble et suave, ne fût-ce que par les deux figures de Madeleine et de Sainte-Catherine. Regardez et comparez. La façon de traiter les draperies, dont les plis verticaux vont s'évasant vers le bas en une si belle chute, et les plis horizontaux s'incurvant dans un non moins beau rythme, rappellent encore le style de la Forteza. Sainte-Catherine annonce avec une modestie charmante la reine de la Primavera. Témoignage encore décisif, le saint agenouillé à droite, vous le retrouverez bientôt dans l'adoration des mages, avec ce profil incliné dont Botticelli, dans les réunions de portraits qui animent les grandes scènes, tire toujours un parti si éloquent. Le deuxième tableau est encore plus troublant dans sa sérénité, son calme mystique, car nous y trouvons Botticelli à travers Fra Angelico, ou si l'on préfère, Fra Angelico à travers Botticelli. Il est dans la vie des plus grands artistes, principalement dans la première partie de leur carrière, de ces sortes d'hommages, d'actes de soumission à quelques grands prédécesseurs qui a exercé sur eux une action inoubliable. Il nous semble, quant à nous, évidemment, ces impressions sont plus faciles à proposer qu'à démontrer, que Botticelli a voulu ainsi s'élever de tout son être et de ses forces vives en plein éveil jusqu'au bienheureux de Fiesole, tout en s'efforçant de demeurer lui-même. De là viennent ces regards accentués, directs, que l'on ne retrouvera plus guère chez Sandro et qui sont si caractéristiques chez l'Angelico. Seulement ici, ils ont toute l'acuité que n'a pu s'empêcher de leur donner l'inquiétude de l'homme du XVe siècle et à la fois la plus grande rigueur de dessin de celui qui s'était mesuré avec Pola Juolo. Enfin, si l'on a un peu analysé l'évolution des sentiments d'un âge à un autre, qui sait si cette pure et délicate invocation à Fra Angelico ne procède pas du même sentiment qui plus tard prendra une allure tragique dans la soumission à Savonarole. D'ailleurs, ces allégories de l'oratorio d'Anzano ne prouvent-elles pas que Fiesole dut être parfois pour lui un lieu de pèlerinage ? Pour ne pas trop insister sur ces tentantes hypothèses, contentons-nous de faire remarquer que nous retrouverons, entre autres plus sévère, le beau Saint-Jean-Baptiste, que le modelé si lisse du pâle visage de la Vierge aura ainsi sa correspondance plus tard, non plus comme ici de mélancolie, mais de prostration totale dans le tableau du musée Brera. Enfin, que l'enfant a des analogies de type de nature et sinon de pose, du moins de mimique, si l'on peut dire, avec celui du fort précieux et seul authentique tableau que nous possédons au Louvre. Dans ce dernier tableau, nous trouvons Botticelli tout près d'atteindre la pleine possession de ce que nous appellerons son écriture physionomique, de cette expression indéfinissable que l'on reconnaît entre mille, qui nous pénètre par on ne sait quel mystère de charme et qui, pourtant, varie à l'infini par des nuances et des trouvailles incessantes. Son petit Saint-Jean a déjà cette malice attentive, cet accent tantôt ému, tantôt espiègle, qui donneront à ces angelots une vie plus vraie et plus céleste à la fois que n'en expriment ceux de Lippi. Ce tableau du Louvre est une page délicate et forte. Elle est d'une tendresse mélancolique, de cette tristesse enveloppée de douceur qui ne cessera plus d'imprégner l'œuvre de Sandro comme un parfum et qui sera un des secrets de son action sur les âmes modernes. Toutefois, ce n'est qu'une éclosion encore incomplète. La fleur merveilleuse se révèle avec la Madone du Magnificat et la Madone à la Grenade. Elle est dans sa pureté et fraîcheur de printemps, c'est-à-dire avec cette finesse, cette netteté scrupuleuse, joyeuse pourtant, qui caractérise les œuvres de jeunesse chez les maîtres. Nous avons employé ce mot de joyeuse pour ces Madones. Il faut que l'on se pénètre pour le bien comprendre et aimer comme il doit être aimé et compris de cette idée que la joie intérieure de Sandro s'exprime par les accents d'une ardeur mélancolique, contenue, caressée, que cet art est tout d'émotion et que toute émotion, extase mystique, élan amoureux, quel qu'il soit, sont la forme heureuse de l'anxiété humaine. C'est ce qui explique dans la Vierge au Magnificat la beauté de cette tête féminine, si modeste, si tendrement triste, et qui, avec une subtilité infinie, évite d'évoquer l'idée des bonheurs physiques si voisins de la souffrance quant à leurs apparences, tout en l'exprimant presque par les mêmes nuances. Quelles ne durent être les amours de Sandro ? Rien de ce côté de sa vie ne nous est révélé, mais notre impression n'en est que plus intense. Combien dut être aimée la femme ou l'idée de la femme qui imprima si profondément ses traits à travers toute l'œuvre, au point de pouvoir revenir toujours, toujours une et toujours diverse, dans les incarnations de tout ce que le christianisme a suggéré de virginal ou de maternel, comme aussi de tout ce que l'olympisme a, des perfections corporelles, tiré de triomphal. Non moins que cette imagination de la Vierge Mère et celle de la déesse, qui sera analysée plus loin, imagination d'une sensibilité si neuve et si à part de toutes les autres, la représentation de l'enfance dans le rôle des anges est chez Botticelli d'un merveilleux attrait. Ces petits acolytes, participant à toutes les exaltations de Marie et de son bambino, à tous ces couronnements dans la région céleste, sont d'une surprenante vérité de race, bien que portant l'empreinte botticellienne. Nous les verrons en plein dans leur action, mais il nous importe de remarquer que, pour ces deux Madones, certains d'entre eux ont déjà atteint la suprême beauté de leur nature. Dans la Vierge au Magnificat, c'est celui de droite qui porte la couronne étincelante et légère, chef-d'œuvre d'invention de celui qui fut apprenti orfèvre. Les autres, absorbés par la méditation du psaume, sont familiers et charmants, mais sans la ferveur sérieuse et sans la beauté de dessin de ce petit privilégié. Dans la Vierge à la Grenade, ouvrage encore plus émouvant et d'une plus saisissante unité et simplicité de composition, aucun d'eux particulièrement ne se distingue supérieur aux autres. mais tous sont associés également à leur rôle harmonique. Nous entendons ce terme jusque dans son acception musicale, car réellement on devine, on entend que, placés derrière la Vierge et inaperçus d'elle, ils entretiennent d'accord chanté à Bokekyuse le rêve anxieux qui l'envahit. Une adorable variation peut-être plus musicale encore sur ce chant céleste est celle de la Vierge de Berlin aux anges porteurs de lys. Dans ces admirables peintures d'une prédestination entre toutes choisies, vouées aux effrois du bonheur, Botticelli égale en pureté de son la musique que nous suggèrent les plus suaves conceptions de l'Angelico. Mais avec cette différence que celles-ci sont pieuses effusions d'un moine, tandis que celles de Sandro sont les poignants aveux d'adoration d'un homme. La composition, l'expression physionomique. La Vierge et son escorte d'enfants zélés, de saints ou de saintes, nous ont été présentés par ce jeune talent dans des arrangements encore un peu traditionnels. Si maintenant nous considérons une de ses premières grandes compositions, telles que l'Adoration des mages, plusieurs caractères saisissants s'offrent à la fois à nos yeux, qui placent soudain le maître à des hauteurs inattendues. Botticelli a été tenté plusieurs fois par ce sujet, qui d'ailleurs était matière favorite aux maîtres anciens pour le mélange du touchant et du splendide qu'il offrait. Deux de ses adorations sont à Londres, l'une en tondo, l'autre en rectangle, très allongé. Cette dernière, très peuplée, présente déjà des détails physionomiques très divers et très accentués. L'autre est plutôt dans une recherche purement pittoresque, et d'une coupe d'ailleurs très originale. Mais celle des offices, dont nous parlons plus particulièrement, se distingue à la fois par la beauté de la composition et le puissant intérêt humain qui nous retient devant chacun des personnages accourus pour assister au grand mystère. Ils forment un cortège de gloire princière et presque belliqueuse. Il s'en faudrait de peu que leur visite ait eu lieu entre deux chevauchées guerrières, qui laissent un peu au second plan la divine occasion, pourtant représentée de charmante façon. La grange mystique n'est qu'un simple toit soutenu par quatre piliers de maçonnerie, proche d'une arcature de palais ruiné. La Vierge est toute humilité et grâce sérieuse. Un des rois, au profil maigre, à l'expression rusée, baise respectueusement le bout du pied de l'enfant, pour lequel des deux est l'honneur, ce mage n'étant rien moins que Cosme de Médicis. Les deux autres rois voyageurs sont Julien, qui offre des présents, et Jean, fils de Cosme, qui, agenouillé, fait acte d'adoration. Aucun cortège plus noble ne pouvait être imaginé à Florence. Un peintre médiocre de cerveau aurait pu s'abaisser à faire preuve de pure courtisanerie. Sandro, par sa fermeté, par la rigueur pénétrante de son observation, combien ses vertus sont différentes de l'idée qu'on se fit trop longtemps de sa nature, se trouve avoir écrit une admirable page d'histoire et accompli une des plus grandes œuvres que l'on puisse citer de son temps. Botticelli possède ce sens du grand, du majestueux, du plein, qui manque si souvent plus tard à d'amples entrepreneurs de boursouflure. On conçoit que, frappé de cette vertu du jeune peintre, jugé sur quelques esquisses, les Pisans l'aient, en 1474, appelé chez eux pour exécuter ou diriger d'importantes décorations. La question reste obscure de savoir les causes pourquoi Pise ne s'enorgueillit pas aujourd'hui d'images qui primeraient peut-être celles-mêmes de Gozzoli, aîné de Sandro de quelques 24 années. Que ce soit les discordes politiques entre les deux cités, ou des questions d'intérêt qui les fait bientôt réintégrer Florence sans résultat, il n'importe. D'ailleurs, Rome devait un jour lui offrir des occasions de prouver les grandioses possibilités vers lesquelles cette adoration nous achemine. Une autre affirmation se dégage, outre celle de la plénitude et de la noblesse du spectacle, la gravité, la noble tenue, l'expression virile des acteurs. À peine le cède-t-elle à celle qui nous impose chez Signorelli et Pierrot. Encore garde-t-il dans cette dignité ce qui rend ses autres œuvres si pénétrantes. L'élan. Les personnages agenouillés dans le groupe de droite en sont un éloquent exemple. Dorénavant, une majeure partie de son œuvre nous offrira ce contraste et cette harmonie qui iront même s'accentuant de la sévérité, de la fière démarche des hommes, même dans leurs actions ferventes ou leurs situations dramatiques, en opposition avec la souplesse et l'agitation des figures de femmes. Ce double caractère, qui ait beaucoup moins de sentiments, si intenses qu'ils soient, que de connaissances particulières et profondes des ressources expressives du dessin, confirme ce que nous avons déjà fait ressortir en parlant du nu chez Sandro. Nous sentons ici le nu masculin vivre, s'avancer, s'arrêter sous la magnificence des ajustements, sous la large ondoyance des draperies, et cela menait juste au point qu'il faut, sans pédantisme comme sans défaillance. En étudiant de ce point de vue même les plus grands, c'est ce qui manque à Giotto et à l'Angelico, comme à l'autre pôle, à Titien et à Véronèse. Les deux premiers veulent ignorer le nu, les deux autres qui le peignent magnifiquement ne le font plus sentir sous la vêture. Les contemporains de Botticelli en avaient été très frappés. Un rapport d'un émissaire du duc de Milan, chargé de le renseigner sur les artistes florentins, parlait avant tout, comme qualité supérieure à celle de ses émules, de l'aria virile qui régnait dans ses peintures. Le mot semblait inexact, s'appliquant aux émouvantes madones, aux nymphes légères, si on ne réfléchissait que cette virilité, c'est l'accent, la décision dans le dessin, plus troublante que la doucereuse nonne enlevée par Lippi, et moins matériellement femme. L'inspiratrice de Sandro doit sa grâce, sa flexibilité, sa féminité même, à cette qualité qui n'avait pas échappé à cet inquisiteur de choix avec qui se rencontrent les critiques modernes, entre autres Berenson. Équivalente idée pour celui de l'aria virile, dont des valeurs tactiles. Le clairvoyant rapport au duc de Milan démêlait en termes non moins heureux l'admirable entente de l'ordonnance dans la composition dont il vantait l'optima ratione et l'integra proportione. Tout cela, l'adoration des mages en est la démonstration. Il faut ajouter ce don que possédait, il est vrai, à un degré guère moindre, les émules de Sandro, d'être un vigoureux observateur et transcripteur des caractères physionomiques. Nous pourrions tracer, si nous avions l'espace nécessaire, mais chacun peut se livrer à cette étude, de chacun des personnages des portraits intellectuels ou moraux, infiniment plus fouillés et plus vrais que toutes les pages des historiens. Outre ces traits physionomiques individuels, il en est un fort curieux d'ensemble et que nous ne pouvons que faire ressortir sans prétendre à l'expliquer. Le groupe de gauche, cela est particulièrement affirmé dans les deux personnages du premier plan, est animé d'une expression étrangement fière, orgueilleuse, on pourrait presque dire provocatrice. Le groupe de droite, au contraire, est toute gravité, toute contemplation émue. Quoique le tout dernier figurant, qui semble incarner l'esprit critique, demeure entièrement étranger à la scène. Tels sont les profonds détails de cette composition si pleine. Depuis Cosme le Vieux agenouillé devant l'enfant, en passant par Julien et Jean de Médicis, tous nous livrent leurs secrets sans le vouloir. D'après une tradition, le personnage de droite dont nous venons de parler, largement drapé, tournant vers nous un regard interrogateur et une lèvre dédaigneuse, ne serait autre que Botticelli lui-même. On le trouvera ici reproduit à divers degrés de grandissement et le problème demeure proposé à notre sagacité. Mais gardons-nous de trop raisonner sur ce document, si ça allait n'être pas lui. De toute façon, la vraie ressemblance d'un artiste étant dans l'ensemble et l'évolution de ses œuvres, et rarement dans sa personne, ce portrait, même exact au suprême, serait a priori le moins ressemblant de tous ceux que d'un air si viril, il compa.